C'est à ce moment-là que commence la tragédie de Pierre Corneille, la mort de Pompée. À Alexandrie, la capitale, Ptolémée, plus connu sous le nom de Ptolémée, le jeune roi d'Égypte délibère avec Photin et Achillas, ses deux plus hauts subalternes, et avec Septime, tribun romain, à la solde du roi d'Égypte. Pour s'attirer la faveur de César, Ptolémée se range à l'avis de Photin et de Septime. Il faut assassiner Pompée. Ce projet criminel a un autre avantage, celui de briser les ambitions de Cléopâtre, sœur aînée de Ptolémée. En effet, d'après le testament du feu roi d'Égypte, leur père, Cléopâtre a droit à la moitié du royaume. Mais ce testament est entre les mains de Pompée, qui a permis à la dynastie grecque des Ptolémées, qui règne sur l'Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand, de se maintenir à la tête du royaume égyptien, révolté contre eux. Alors que Photin, le plus haut fonctionnaire, vient de confirmer le roi Ptolémée dans ses intentions criminelles, Cléopâtre, sa sœur, interrompt leur discussion. On se souviendra que le talent, monnaie d'or, équivaudrait à près de 1 000 euros en 2015, et que dans le langage du théâtre classique, amant peut être seulement synonyme d'amoureux.